الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. تشير puisqu'en Allah subhanahu wa ta'ala qui descend de Adam et son épouse sur terre, il leur dit, et pour vous il y aura une demeure sur terre, ainsi que des biens, mais pour un certain temps seulement. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, sur terre vous vivrez, et sur terre vous mourrez, et de la terre on vous fera sortir. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la mort pour toutes les créatures. Tous, nous nous dirigerons vers cette mort inéluctable. Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute âme goûtera la mort. Et il dit aussi, tout ce qui est sur terre est voué à la disparition, et il ne restera que la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est sans équivoque, et l'homme ne restera sur cette terre qu'une période bien déterminée. Et quand cette période s'achève, alors viendra la mort, et tout ceci par sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens qui enregistrent vos actions. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, les anges enlèvent son âme sans aucune négligence et ils seront ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala, leur vrai maître. Et ceci, ce retour et la mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit et décrété, la mort qu'on ne peut repousser ni même une barrière entre elle et nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et la mort est un décret qui sera exécuté, et peu importe où tuera la personne, elle ne pourra pas y échapper. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dit la mort que vous fuyez va certes vous rattraper. Et sachez que la personne ne peut s'en protéger. Allah subhanahu wa ta'ala dit, où que vous soyez, la mort vous attendra, même si vous êtes dans des tours imprenables. Et quand le terme arrive, les cœurs seront stupéfaits. Et la personne n'aura plus aucun recours entre ses mains. Personne ne pourra s'en dégager ou regarder ce décret ou rajouter un jour dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque l'âme remonte à la gorge de celui qui agonise, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez pas, pourquoi donc si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne faites-vous pas revenir l'âme si vous êtes véridique? Et c'est le terme, et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith aussi, il n'y a pas une chose que j'évite le plus à accomplir que de reprendre l'âme de mon serviteur croyant. Il déteste la mort, et je déteste plus perdre du temps, mais la mort est une chose inéluctable et décrétée par Allah al-Bukhari. Et sachez qu'il ne sera fait exception à aucune personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous l'avons attribué les toutes immortalités à l'Ilham en toi et à Mohammed. Est-ce que toi qui tu meurs, eux ils seront éternels, toute âme doit goûter la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en s'adressant à son prophète, qui est la meilleure des créatures, il lui dit, en vérité tu mourras, et eux aussi mourront. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, les compagnons furent choqués et baillés par cette nouvelle. Tellement ils aimaient le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'arrivaient pas à y croire à tel point que Omar radiallahu anhu a dit, c'est lui qui dit que le prophète est mort ou est décédé. Je m'occuperai de son cas personnellement, et il va bientôt ressusciter, et il va couper les mains avec ceux qui présentent qui est mort. Et Abu Bakr radiallahu anhu arriva alors, le plus renfermé par Allah subhanahu wa ta'ala, et il ordonna à Omar de descendre du minbar et de se taire. Il prit ensuite la parole sur le minbar et dit, celui qui adorait Mohammed, et bien qu'il sache que Mohammed est mort, et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Il dit ensuite les versets suivants, en vérité tu mourras, et eux aussi mourront. Mohammed n'est qu'un prophète, n'est qu'un messager, et des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou il était tué, retourneriez-vous sur vos talons, derrière la mécréance. Tellement le choc était énorme, les compagnons avaient oublié ces versets. Et sachez que se rappeler la mort diminue les soucis de la vie d'ici bas et aide à être facilement obéissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se rappeler la mort empêche la personne de faire de l'injustice. Évoquer la mort rappelle à la personne combien elle est faible, ce qui la poussera à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de le satisfaire. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, multiplier l'évocation de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que la personne se rappelle de la mort fait en sorte qu'elle délaisse cette vie d'ici bas. Et il y est moins attaché. Et ceci l'exemple d'un vrai pour le cela. La mort est son évocation vu que la personne en est en constante relation avec son Seigneur. Et ceci lui fait prendre conscience que cette vie qui va n'est qu'un passage. où la personne doit faire des efforts pour se retrouver dans Allah subhanahu wa ta'ala dans les meilleures conditions. Et songez à ce qui va nous arriver au moment de notre mort, et à l'heure où l'on sera tous ressuscités. Songez au moment où l'on va se séparer de nos familles, de nos pays, de nos biens. Songez au moment où le grand voyage se rapprochera de nous, et que l'on s'avancera vers l'au-delà, et on s'écartera et on tournera le dos à cette vie éternelle. Songez au jour où les gens seront divisés en deux parties, les anges prendront l'âme de ceux qui seront Dieu et leur diront, paix sur vous, salam alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et que je tienne sur le droit chemin, les anges au moment de la mort descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Et l'autre partie, qui auront fait de mauvaises actions, les anges descendront sur eux et les frapperont. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu voilais les anges, c'est parce que les anges arrachaient les âmes pour mécréants. Ils se frappaient sur leur visage et leur derrière en disant goûtez au châtiment du feu. Songe au jour où les gens se porteront sur leurs épaules, direction la tombe, et que suffisera ta famille, tes enfants, tes biens et ta maison, ton seul compagnon dans ce trou sera tes ailes. Si elles étaient bonnes, elles te rajouteront joie et gaieté jusqu'au jour de la résurrection. Et si elles étaient mauvaises, elles te rajouteront angoisse et tristesse jusqu'au jour de la résurrection. Et songez au jour où on soufflera dans la trompe, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, tous ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Ce jour-là, nous sortirons de nos tombes, nus et non circoncis, à la rencontre du Seigneur de l'univers. Et songe à un jour où toute la création sera réunie dans un seul endroit, du premier au dernier. Pense à ce jour terrible, où même des enfants et des parents de bureau. Pense à ce jour qui sera 50 000 ans, et où le soleil se rapprochera des gens, et on sera plongé dans notre sueur selon nos œuvres. Pense à ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le jour de la grande perte. Allah subhanahu wa ta'ala dit le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement. Ce jour-là, ce sera le jour de la grande perte. Et véritablement, ce sera un jour terrible, celui où la personne pourra tout perdre. Certains seront rassemblés sur des montures, en grande pompe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sera leur hôte, et ils seront ses invités, et d'autres seront poussés brutalement en enfer, comme on conduit des bêtes à la droite. Mais la foi, pour eux, sera éternelle, et ils croiront que l'enfer est un mirage. Et ils y seront conduits, et ils y trouveront véritablement le feu et son gargouillement terrible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et prenez garde à ne pas tomber dans le piège de cette vie d'ici-bas, et soyez attirés aux œuvres qui vous seront bénéfiques dans l'au-delà. Et rappelez-vous le jour où l'on nous donnera nos registres dans lesquels toutes nos œuvres ont été répertoriées. Petites et grandes, certains recevront leurs registres de la main droite, et ils diront, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouera d'une vie agréable dans un jardin au placé. Et quant à celui à qui on aura donné son livre de la main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne me rappelle jamais ce livre, et j'aurais souhaité ne jamais avoir connu de compte, hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût définitive. Et rappelez-vous le jour où nos œuvres seront mises sur la balance. Ceux dont la balance aura penché du bon côté auront la félicité éternelle. Quant aux autres, ils auront le malheur et la détresse éternelle. Et ce jour-là, le bâton du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera exposé. Sa longueur et sa largeur sont d'une distance d'un mois. Et ses réflexions avec lesquelles on voit sont aussi nombreux que les étoiles qui sont dans le ciel. Et son eau est plus blanche que le lait. Son goût est plus sucré que le miel. Et son eau est plus fraîche que la glace. Les croyants en apprendront après la journée de l'attente. Et celui qui en voit n'aura plus jamais soif. Et sachez que ce jour est un jour terrible. Tous les croyants passeront sur le pont Sirat, qui est un pont qui passe par-dessus l'enfer. Certains vont passer en un clin d'œil, d'autres aussi vite que l'éclair, d'autres aussi rapides que du lion de course, d'autres ramperont, d'autres passeront à genoux, et d'autres seront happés vers l'enfer. Et de l'autre côté du pont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient peur pour le Seigneur et qui dira, oh Seigneur, épargne-les. Et ensuite le paradis se rapprochera des croyants et le prophète nous ouvrira les portes. Et les croyants diront, louange à Allah, qui a écarté de nous l'affliction et les malheurs. Et les gens de l'enfer seront poussés traînés en enfer comme du métal. Et les gardiens de l'enfer, leur diront, les messagers parmi vous, ne vous sont-ils pas venus? Vous récitant le verset de votre Seigneur, et vous avertissant de la rencontre de ce jour que voici, ils diront si, et le décret du châtiment s'est avéré vrai et juste contre les mécréants. Il faut que ces événements soient toujours devant nos yeux, et toujours dans nos pensées, afin de s'y préparer. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fera grâce de sa guidée et nous laissera sur le droit chemin, et qu'il nous comblera d'une bonne main, et qu'il fera en sorte